Si la vie vous intéresse, engagez-vous dans les forces, qui disait. Je supposais alors, dans toute ma naïveté, dans toute la candeur de cette époque, qu'il s'agissait des forces de vie, et je m'engageais pour 3 années à les servir. Je devais désenchanter rapidement, car les forces de la mort se substituèrent aux forces de vie. Et le rêve devint cauchemar. Quoi qu'il en soit, j'ai retenu de mon passage dans les forces armées 3 choses essentielles. Que la plus petite mesure d'unité de poids, c'est le milligramme. Que la plus petite mesure d'unité de liquide, c'est le millilitre. Et que la plus petite mesure d'unité d'intelligence, c'est le militaire. Quoi qu'il en soit, et par un juste retour des choses, 20 années plus tard, j'avais droit à une compensation de taille, puisque je devais rencontrer la plus grande mesure d'unité d'intelligence réelle, à la personne de Bernard de Montréal, que je vous propose maintenant d'accueillir. Je présume que, comme d'habitude, vous n'avez pas entendu mon petit psychodrame où l'ego est mis en scène, vous deviez être aux toilettes, à croire que l'homme supramental passe sa vie dans les toilettes. Mais vous savez, les gens sont méchants. Il y a de mauvaises langues. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent, elles font des entrechats. Il y a des gens qui m'ont dit, attention, aborder une conférence comme celle-ci sur le sens de la vie avec Bernard, c'est mortel. Ça se confirme. Est-ce que vouloir trouver un sens à sa vie, ça fait-il du sens pour vous ? Une autre question? Faites-vous une nuance entre réussir sa vie et réussir dans la vie? Une autre question? On a abordé ensemble, durant des années, quasiment tous les mystères. Le feu, l'espace, le temps, etc., l'antitemps. Mais est-ce que la vie, ça ne demeure pas le mystère des mystères? Oui. La vie, c'est un mystère parce que... D'abord parce que la science de la vie, la science objective de la vie, elle est nouvelle. Donc, l'homme commence à avoir accès à cette science. Et l'homme vit sa vie par rapport à une philosophie de la vie depuis des siècles.